Saisi par des cons, je ne vais plus en tant que son. Saisi par des cons, je ne vais plus en cercon. Saisi par des cons, je reste à la maison. Mais saisi par des cons, je vais éteindre ma télévision. Si c'est par les cons, je vais plus au son. Si c'est par les cons, je vais plus au son.